Je t'ai choisi comme princesse de ma vie. Je suis l'ange qui va te guider, te protéger de tous les dangers. Je suis prêt à faire tout pour toi. Je ne veux pas rater notre rendez-vous. C'est pour ça que je me prépare si tôt. Je mets mon t-shirt et mon pantalon. On va passer notre soirée ensemble. Avec toi, je me sens bien. Avec toi, je me sens bien. Avec toi, je me sens vraiment bien. La première fois que j'ai entendu ta voix, mon cœur s'est envolé comme un papillon. Et dans la soirée, quand tu dansais vers moi, j'ai vu que tu étais vraiment spécial. Aujourd'hui, tu es ma femme. Est-ce que tu m'aimes? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je veux que tu le saches. Je t'aime toujours de tout mon cœur. Avec toi, je me sens bien. Avec toi, je me sens bien. Avec toi, je me sens vraiment bien. Avec toi, je me sens bien. Avec toi, je me sens bien. Avec toi, je me sens vraiment bien. Bébé, je pense toujours à toi. Tu es gravé dans mon cœur. Laisse-moi faire un vrai miracle, bébé. Approche-toi de moi. Approche-toi de moi. Et prends-moi dans tes bras. Tes lèvres sur mes lèvres seront comme un cadeau de Noël. Je t'ai choisi comme princesse de ma vie. Je suis l'ange qui va te guider, te protéger de tous les dangers. Je suis prêt à faire tout pour toi. Je ne veux pas rater notre rendez-vous. C'est pour ça que je me prépare si tôt. Je mets mon t-shirt et mon pantalon. On va passer notre soirée ensemble. Avec toi, je me sens bien. Avec toi, je me sens bien. Avec toi, je me sens vraiment bien. Avec toi, je me sens bien. Avec toi, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Prends-moi comme un bébé dans tes bras. Montre-moi l'amour que tu as pour moi. Je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Prends-moi comme un bébé dans tes bras. Montre-moi l'amour que tu as pour moi. Je me sens bien. Je me sens vraiment bien.